Asthmatic, SB, Long Zone Production, 2001, Watch Out. Du bon vieux vin vient là, qui s'abat sur toi, n'importe où, n'importe quand. Yo, c'est toi la proie, watch the vibe, watch the pas, car tu sais pas, yo, tu sais pas, qu'à la tempête t'emportera. Yo, c'est l'histoire du bon vieux vin vient là, qui s'abat sur toi, n'importe où, n'importe quand. Yo, c'est toi la proie, watch the vibe, watch the pas, car tu sais pas, yo, tu sais pas, qu'à la tempête t'emportera. Yo, la vie se présente, parfois se forme violente. C'est une pâte à brut qu'il faut monter sans se faire descendre. Gare à où tu poses les pieds sonnent, car marcher croche à tel pas, affronter la réalité, sale comme une seringue. Souillé, qu'on soit sous pété, on est affecté, infecté par le mal qui ne fait que rôder. En fait, on est bloqué, fucké, stressé, frustré. What, des fois, j'aurais envie de m'effacer. Je pense à chiste des cœurs et que ça me fuck. On est enfermé à clé, à la recherche d'une porte ou d'un issue pour s'échapper. J'allume mon gadja pour décompresser. Il peut oublier que la vérité fait chier. Faut s'accrocher au lieu de décrocher sans se reprocher. Les erreurs commises dans le passé encore proches. Comme dans mes poches, je rush. En plus des dettes, déjà voulais ma tête. J'ai pas eu peur, non, j'ai eu fret. Fret aux yeux, j'aurais pu me retrouver aux cieux, près de Dieu, mais j'ai su renoncer à ce jeu. Ne pas entrer dans un cercle vicieux, mais en sortir. Je sens derrière moi mes douloureux souvenirs. Ya, laisse derrière moi mes douloureux souvenirs. C'est l'histoire du bon vieux vin vient là, qui s'abat sur toi, n'importe où, n'importe quand. Yo, c'est toi la proie, watch the vibe, watch the pas, car tu sais pas, yo, tu sais pas, qu'à la tempête t'emportera. Yo, c'est l'histoire du bon vieux vin vient là, qui s'abat sur toi, n'importe où, n'importe quand. Yo, c'est toi la proie, watch the vibe, watch the pas, car tu sais pas, yo, tu sais pas, qu'à la tempête t'emportera. Yo, nous j'ai pas directement du même point, parmi les miens, j'suis presque le seul haïtien. Tu vois le dessin, fais mon chemin, c'est tough. Qu'il y en a plein, qui est de stuff, génération rough, dans lequel y'a trop bluff, sauf quand ça rush. Faut que tu t'accroches, même quand t'as rien les poches. Pense à tes proches qui seraient prêts à tout donner. Jamais abandonner, toujours prêt à pardonner. N'importe quelle soit la situation. Une seule vie à vivre, pourquoi la vivre en incarcération? Trop de raisons, je donne mon opinion. Y'a pas de millions d'options, y'a pas d'illusions. Sauf si tu triches, pour être riche en disant que tu vas mourir un jour de toute façon. Dis-toi bien qu'à la tempête passe, y'a pas de pardon. Réalité dure à accepter, accepter que c'est toi qui l'as cherché. En effet, t'as atteint le top de la popularité, mais pas du bon côté. Maintenant le cash t'oblige à cacher la vie de rêve que t'avais prévu. C'est échanger un imprévu. Sauf faut que tu deal avec. T'as voulu deal avec ton ex, maintenant faut que tu protèges. Ici c'est œil pour œil, là pourtant y'a pas de respect, pas de respect. C'est l'histoire du bon vieux vin vient là, qui s'abat sur toi, n'importe où, n'importe quand. Yo, c'est toi la proie, watch the vibe, watch the pas, car tu sais pas, yo, tu sais pas, qu'à la tempête t'emportera. Yo, c'est l'histoire du bon vieux vin vient là, qui s'abat sur toi, n'importe où, n'importe quand. Yo, c'est toi la proie, watch the vibe, watch the pas, car tu sais pas, yo, tu sais pas, qu'à la tempête t'emportera. Yo, c'est l'histoire du bon vieux vin vient là, qui s'abat sur toi, n'importe où, n'importe quand. Yo, c'est toi la proie, watch the vibe, watch the pas, car tu sais pas, yo, tu sais pas, qu'à la tempête t'emportera. Yeah. Ouais, c'est pas où elle peut t'emporter, où elle peut t'amener. Ya, yeah. C'est comme ça, G. Hein? Ya. Yeah. Watch tes pas, ya. Yeah.